Yesu libanga na talo. Hey, nande Yesu. Hey, nande Yesu. Hey, nande Yesu yekosi na Yuda. Hey, nande Yesu. Hey, nande Yesu. Hey, nande Yesu libanga na talo. Tu peux naître de nouveau, oublier ta vie passée et tes péchés pardonnés. Sais-tu que Jésus t'aime et t'accepte comme tu es. Tu peux repartir à zéro pour bâtir une vie nouvelle. Ne dis pas plus tard car demain il sera trop tard. Viens, viens, n'attends pas, viens quand Jésus. Yesu, hey, nande Yesu, hey, nande Yesu, hey, nande Yesu.